Laisse donc un peu les filles. Allez, ouais ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG90.7 de la bande FM, RIGFM.fr. Je suis très très heureux de vous retrouver ce mercredi-là, ouais, où nous entamons la 446e émission de Johnny de A à Z qui va bientôt fêter ses 20 ans. Alors la date n'est pas encore précise et puis la durée non plus. Bref, quoi qu'il en soit, nous voici partis pour 2 heures de musique avec Johnny Hallyday et un album de la semaine qui est Rêve et Amour et qui est sorti le 21 octobre 1968. En ces années 1967-1969, la pop musique prétend à des voyages tout aussi intersidéraux que les autres. Le bon revers de la médaille psychédélique, c'est la musique qui commence à circuler dans ces années d'expérimentation frénétique. Les groupes anglais avaient pris la main en 1964 par le biais des rhythm and blues blancs soutenus par des guitares de plus en plus distordues. Fin 1966, c'est le grand saut. Les Yardbirds ouvrent le bal avec Jeff Beck et Jimmy Page à la guitare. Futur leader de Led Zeppelin, ce dernier fait ses classes, notamment avec Johnny Hallyday, qui fait appel à sa science des sons électroniques. La suite appartient à l'histoire. Le Sgt. Pepper's des Beatles, le Satanic Majesties des Stones, le premier album d'Hendrix, les singles complètement allumés venus de Londres et de la West Coast américaine. Des œuvres aujourd'hui sanctifiées qui ont fait en quelques mois progresser la musique populaire à la vitesse de la station orbitale du film de Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace. Johnny Hallyday, éternel pèlerin de la nouveauté, voyageur hyperactif, auditeur attentif de tout ce qui se fait, pense que la France peut et doit suivre. C'est psychédélique, ce sont 30e IP, c'est la version scénique de A tout casser, ce sont les shows des palais des sports de 1967 et 1969. Et c'est en 1968, Rêve et Amour, un disque bouillonnant, confus, qui emprunte 10 directions à la fois. Il y a parfois de quoi être un peu perplexe, mais le but est atteint haut la main. On triture, on s'arrache les neurones, on oblige de force le jeune public à abandonner ses certitudes. C'est une partie de la magie à l'idée. Ce garçon de 25 ans, star adulé aux millions de disques vendus, devrait être le dernier à prendre le risque de se remettre en question. Mais voilà, il y a chez lui une rage d'explorateur, une mentalité de cow-boy électro-acoustique qui, justement, lui permet de renverser l'axiome. C'est parce que je suis le plus populaire que je peux me permettre d'être plus audacieux. On va écouter déjà un premier extrait de cet album-là, Rêve et Amour. Ce sera Cours plus vite Charlie, sorti le 18 octobre 1968. L'ovni de ce projet, mais quel ovni ! Un bon vieux rock'n'roll des familles piquées à Eddie Cochran. Le texte de Lancry, c'est malin. Il met en scène une nouvelle version du Lièvre et de la Tortue dans la course à l'amour d'une fille. Johnny aime reprendre ce classique en concert, adapté avec brio par Rod Stewart en 1970. Voici tout de suite Cours plus vite Charlie sur RIG. Bonne émission à toutes et à tous. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait fille sera pour toi. Mais le paysan nommé Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait dans le dos. Accours plus vite Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Accours plus vite Charlie et tu gagneras, la fille sera pour toi. Ouais, le plus vite Charlie, la fille sera pour toi. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Blues. Johnny Hallyday, en 1974, extrait de l'album Rock and Slow. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday au Zénith en 1984 et le titre Ma gueule. Johnny Hallyday au Zélite M184 avec Ma gueule, une des rares chansons vraies live encore sur cette édition de 2003. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Voici tout de suite, attention, extrait du show Smet en 1969. Et attention, figure sur l'album de la semaine Rêve et Amour. Mais cette fois-ci, cette version a des paroles tout à fait différentes. passion, c'est interdit. Et de penser à tous vos soucis, attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Quand il y a de jolies filles, il y a toujours de la joie. Ne sont-elles pas gentilles? Je les aime comme ça, oh oui. Et ce soir, j'aime bien retrouver mes amis, mes copains. Attention, attention, c'est interdit de penser à tous vos soucis. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Oh hey. Attention, ça va chauffer. Attention, ça va balancer. Attention, quand vous dansez. Oh, vous les filles, attention, danger. Du haut de la fenêtre, de la télévision, penchez pas trop la tête. Faites bien attention. Oh oui, vous pourriez d'un seul bond retomber dans toutes les maisons. Je vous dis, attention, c'est interdit. Ericolo, Spaghetti. Attention, c'est défendu. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Attention, c'est interdit de penser à tous vos soucis. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Bonsoir. Toute l'équipe de ce show Maman sont heureux de passer une heure avec vous ce soir. Et au cas où vous ne sauriez quoi faire par la suite, je vous proposerai personnellement de suivre les conseils que je vais prodiguer à la ravissante Françoise Hardy. Pas tout de suite, alors peut-être une fois. C'était le 7 mai 1969, Chaussemette, produit par Maretti et Gilbert Carpentier. On revient à l'album de la semaine qui est Rêver Amour, sorti en 1968. Et cet album est inspiré par les expérimentations des Beatles. Ce nouveau 33 tours parle effectivement de rêve et d'amour. Pas de tromperie sur la marchandise, juste une époque qui passe, dominée par la mentalité hippie qui submerge le monde. Tout dans ce disque appartient au délire, et c'est pour ça qu'on l'adore. On en découvre un premier titre entre mes mains sur l'un des tout derniers Super 45 Tours de Johnny qui paraît en juin 1968. La France numérote ses abattis après les remuants événements de mai, et la chanson de Johnny fait partie de la cohorte de celles qui remettent la France en pleine gueule de bois politique sur le chemin des usines qui rouvrent les unes après les autres avant les vacances d'été. Oh, c'est un peu comme nous, hein, avec ce confinement, avec ce Covid. Le hit parade de la revue Salut les copains le prouve, la bande son de mai, malgré la désertation de poste de la plupart des artistes contraints d'attendre des jours meilleurs pour partir en tournée, ça rappelle quelque chose aussi, hein, est gorgée de titres sublimes. Entre mes mains est numéro 1, menant la danse devant l'énergique et la cavalerie de Julien Clerc, de Il est 5h, Paris s'éveille de Jacques Dutronc et l'émouvant Le Petit Garçon de Serge Reggiani. Côté artiste étranger, c'est aussi une très belle livraison, Think d'Aretha Franklin qui tient la tête, un beau compagnonnage pour Johnny. Devant le baby comeback des Equals, pendant que pointe à l'horizon l'infréquentable Jumping Jack Flash des méchants Rolling Stones. On notera qu'entre mes mains, première chanson et coup de maître du tandem Thibault-Renard est numéro 1 dès la fin du mois d'avril, alors que le 45 tours n'est disponible dans les bacs qu'à la fin du mois de juin. C'est l'invention de la dématérialisation des supports avec 40 ans d'avance. Comme les magasins sont fermés et qu'il n'y a plus de gasoil à mettre dans les camions, l'activité discographique se résume aux rotations des titres à la radio en attendant de pouvoir les entendre. Donc on disait, le 24 juin sort le EP, hein, le 4 titres, Entre mes mains, suivi de Jeune homme, et les deux autres titres très pop sont Je n'ai pas voulu croire et Au pays des aveugles. On écoute tout de suite Entre mes mains sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z.

Johnny Hallyday, le nom que tu portes, extrait de l'album Ça ne change pas un homme de Tatan de 1991. À présent, on arrive aux versions originales adaptées pour Johnny Hallyday, mais cette fois-ci, oui, ce sera une version originale, mais française, adaptée pour Johnny, mais c'est toujours en français. On va retrouver Fred Blondin, c'était en 2018 au Casino de Paris, sauf que là, cet album est sorti au mois de décembre 2020. Il n'existe uniquement que sur les plateformes de téléchargement. On va écouter deux extraits de cet album-là. Il y aura le premier titre On s'est aimé, et le suivant, ce sera Dis-le-moi. Voici tout de suite Fred Blondin sur antenne de RIG. Ben oui, dans l'émission de Julie de A à Z. Dont les plaines se fermeront jamais. Il y a deux de sortes d'âmes, enfants, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'âmes, enfants, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Perdu entre l'effroi et l'orgueil, on ne trouve que chez eux qu'ils s'égarent. Moi je parle de moi surtout, moi qui t'aimais comme un démon, et qui ressort un peu plus fou, plus riche sûrement, mais pas vivant. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Ériger la radio de Johnny Hallyday à l'instant de sorte d'homme. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes à présent à Port-Bacarès en 1970. Johnny interprète J'ai peur, je t'aime, un titre qui dure plus de 8 minutes avec une super prestation. Et ce titre est extrait de l'album de la semaine Rêve et amour. Avant de continuer à chanter, je voudrais vous dire que je suis de parler avec eux. Je vais vous dire, mes voix,

J'ai peur de la pluie qui inonde la terre. J'ai peur aussi de vieillir. J'ai peur de l'hiver, il te ressemble tant. Je t'aime. Tes pas qui résonnent dans une autre maison. J'ai peur d'entendre ton rire. Ton corps va souffrir. Je ne veux rien croire. Je t'aime. Je ne veux rien croire. Je ne veux rien croire. Je Johnny à Port-Bacarès en 1970. À présent, nous revenons à l'album de la semaine qui est Rêve et Amour, sorti en 1968. Et l'album a été mis en boîte en Angleterre, à l'Olympic Sound Studio de Londres, où va en grande partie se déterminer le son Hallyday des années 67 à 1973. Première séance courant mars 1968, puis retour de l'équipe française fin mai et tout au long du mois de juin. C'est d'ailleurs assez amusant de voir les idoles françaises se succéder dans les studios anglais pour graver leur titre d'été dans un pays où c'est encore possible. Fin prêt en juin, le disque est commercialisé en octobre, il met 3 mois pour traverser la Manche. Les séances sont encadrées par les directeurs d'orchestre du Rocker, Tommy Brown et Mickey Jones, auxquels se sont joints Lee Hallyday pour la réalisation. Derrière la console se trouve Keith Grant, dont le nom est indissociable au studio du 117 Church Road. Cet ingénieur du son est à l'origine de la réputation internationale de l'Olympique. Il est à l'époque un de ceux qui captent le mieux les inventions soniques d'un Clapton, d'un Hendrix ou d'un Keith Richards. Tous clients à un moment ou un autre du Sound Studio de Church Street. Prochain titre qu'on va écouter, ce sera « Non ne me dis pas adieu » qui est une œuvre de Eric Chardin qui à l'époque était totalement sous l'emprise Beatles Moody Blues. On dit souvent qu'après la pluie vient le soleil et que l'orage ne dure jamais. Pourtant tu veux partir, tu veux m'abandonner. Non, ne me dis pas adieu. Moi j'ai tant besoin de toi, garçon. Toi je serai malheureux si tu n'étais plus à moi. Yeah. très inquiet. Tu voudrais que je t'appartienne nuit et jour comme un objet, et je t'abandonne à tes chaînes. Je vais m'en aller, m'en aller. Je me demande pas d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Je me demande pas de changer de vie, pas la peine. Je me demande pas ça. Si tu veux qu'un jour je revienne, je suis un homme. Être libre n'a pas de prix. C'est bien ce que l'on s'était dit. On avait presque réussi. Réfléchis, réfléchis. Je me demande pas d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Je me demande pas de changer de vie, pas la peine. Ne me demande pas ça. Si tu veux qu'un jour je revienne, je suis un homme. Un homme libre, extrait de l'album À la vie, à la mort, datant de 2002. Retour à présent la rubrique de Antoine de Cônes, l'Odyssée, Johnny Hallyday, qui va nous parler aujourd'hui du titre Entre violence et violon. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Nous sommes en 1983 et alors qu'il termine une tournée en province, en Belgique et en Suisse, Johnny est heureux d'apprendre que son épouse, l'actrice Nathalie Paye, qui est enceinte de Laura, vient de recevoir un César pour son rôle dans La Balance. Téléphone à Palosi, c'est ta seule chance. Il n'a cependant pas beaucoup de temps à consacrer à la vie de famille, il appelle de l'Amérique, se faisant un nouveau centre. Et je regrette tout ce que je t'ai dit, t'es la meilleure de toutes les filles, de toutes celles qui traînent par ici, pas une ne t'arrive à la cheville, laisse-moi une chance. Au printemps 1983, Johnny est en effet de retour à Nashville, Tennessee, capitale de la musique country. Il a pour directeur artistique Pierre Billon, fils de la chanteuse Patachou. Billon, comme Johnny, est un fervent adepte des motos Harley-Davidson, du rock'n'roll, des tatouages et aussi des salles de muscu qu'il fréquente assidûment. À 16 heures, il est également chanteur. J'ai toujours rêvé d'être un chanteur de rock, de rouler par terre en poussant les cris de rock, d'arriver au bal en caisse américaine, négligeant les grosses qui veulent m'arracher mon verre. Nashville, Pierre Billon et Johnny font appel aux bons offices de Charlie Talent, ingénieur du son émérite qui leur a été conseillé par Eddie Mitchell. Charlie Talent les aide à réunir une dream team, une équipe de rêve, comme on dit, au sein de laquelle on reconnaît l'harmoniciste Charlie McCoy, le guitariste Reggie Young et le pianiste Bigger Robbins. Tous ont joué sur des milliers de disques, y compris avec Elvis Presley en 69, sur un album que Johnny adore, qui contient entre autres ceci. Pierre Billon collabore avec le parolier Claude Lemel pour écrire « Entre violence et violon », une formule qui, à leurs yeux, définit bien le style Hallyday. La musique est signée par deux amis du chanteur, Eric Bamy, son choriste préféré durant presque deux décennies, et Eric Boide, qui fait aussi office d'arrangeur. La chanson donne son titre à un album publié sous une élégante pochette en noir et blanc signée Jean-Baptiste Mondino, et comme c'est un gros succès pour Johnny à la fin de l'année 83, on se replonge tout de suite entre violence et violon. Il y a deux hommes en moi, ennemis l'un de l'autre. Fou contre le roi, j'étais contre l'apôtre. La rage au bout des poings, le cœur sur ma main. Aujourd'hui, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, demain. J'ai contre moi le rêve et pour moi la révolte. J'ai la paix sur les lèvres et les doigts sur un colt. Je joue avec les femmes, à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Je joue avec les femmes, à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Mon corps se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Entre violence et violon. De rues bizarres ou des guitares électriques coloraient ma mémoire de rêve d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Thunder en Newton. Je roulais des mécaniques sans parler la Vinson. Et j'allais au Las Vegas, le diable avait 16 ans. Mais pour l'école d'en face, l'enfant est un enfant. J'allais au bout de ma rue comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. J'allais au bout de ma vie comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Mon corps se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Oui, entre violence et violon. We'll be right back. Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 80. Oh! Ah! Quel métier fatigant. J'irai là-bas, comme on monte sur un toit. J'irai là-bas, si je sais tu es là. J'irai vers toi, sans gants, souliers, ni sherpa. J'irai vers toi, Himalaya, Himalaya. J'irai là-bas, malgré le froid ou la loi. J'irai vers toi, comme on va au combat. J'irai vers toi, le chien à bois, j'irai là-bas, Himalaya, roc d'amour, le plus haut de la vie, sommet blanc du paradis, oui, roc d'amour, le plus chaud de la nuit, tout au fond. J'irai là-bas, en mon insulte un roi. J'irai là-bas, si je sais que tu es là. J'irai là-bas, Himalaya, Himalaya. Franchement, je préfère la version de l'album Cadillac que ce remix-là. Johnny et les années 60. Rock'n'roll. Voici Les Mauvais Garçons. Johnny Hallyday sur RIG. Des coups ne sont pas méchants, je vous l'avoue. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Les mauvais garçons, ces inconnus, n'ont pas le désir du défendu quand ils sont en bande au coin d'une rue. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons, tous les vauriens, ne sont pas méchants, je le sais bien, avec leur façon de cinéma d'autrefois. Les mauvais garçons que l'on peut voir voudraient une vie avec l'espoir, il faudrait alors l'offrir sans retard. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons serrant le poing ne sont pas méchants, je le sais bien. Ils voudraient connaître un peu de la fille aussi. Ce jour-là, alors nous les verrons avec de l'amour parmi les bons. Ils ne seront plus de mauvais garçons. Ah, les mauvais garçons. Ah, les mauvais garçons. Ériger la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. On revient à l'album de la semaine qui est Rêve et Amour, sorti le 21 octobre 1968. Et à l'Olympic Sound, Mickey Jones, Tommy Brown et Keith Grant et Johnny Hallyday vont faire du bon travail. Ils vont partir là où le vent les pousse. Flanqués d'une bonne équipe d'auteurs dont le chanteur connaît exactement les compétences, Gilles Thibault, Long Chris, Ralph Bernett, Jean-Jacques Debout, Georges Haber. Autant dire un compagnonnage héroïque et historique. Les arrangements aussi sont confiés à ce dont on peut rêver de mieux, le chef d'orchestre Art Greenslade, qui se spécialise dans une soul à l'anglaise, qui donne à son meilleur l'arrangement du thème de Goldfinger, célèbre opus de la série James Bond, chanté par Shirley Bassey, le pianiste Ray Quest, surnommé le Phil Spector anglais, Jean-Claude Petit, fameux pour ses musiques de films et ses génériques pour la télévision, Jean-Claude Vanier, l'indispensable complice de Serge Gainsbourg durant sa période pop, avec par exemple Melody Nelson. Je vous propose d'écouter un autre extrait de l'album de la semaine, Rêve et Amour de 68, c'est le titre Fumée. Fumée qui a posé de gros problèmes aux autorités de l'ORTF, déjà fortement secouées par les événements de mai 1968. Le texte est une allusion guère voilée à l'univers de la drogue, et la musique tempère l'effet en prenant soin de n'être jamais agressive. L'auditeur distrait peut se croire en train d'écouter une chanson d'amour. Finalement, la diffusion du titre sera autorisée sur la radio d'État, et ce sera l'une des premières grosses ventes de Johnny Hallyday sur 45 tours simples, sorti en janvier 1969, couplé au titre « Je suis l'amour ». Voici tout de suite « Fumée », Johnny Hallyday sur RIG. Toute cette fumée te cache à moi, pourtant tu es là. Je reste là, ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, c'est bien toi, oh non. Dans cette fumée, tu es l'arc-en-ciel. Ciel gris, et même le temps semble arrêter. s'en va. Je reste là. Ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, c'est bien toi, oh non. Et toute cette fumée, salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à Bercy en l'an 2003 avec maintenant le classique, un des classiques maintenant en live, quoique la chaîne interprétée qu'une fois, lors de la tournée plus près de vous. Voici Le Cœur en deux. Johnny Hallyday sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ce sera ma dernière gloire. Quel homme ouvre le cœur.

et les années 70. Rock'n'roll. Ceux qui ne m'aiment pas, bon courage, et ceux qui m'aiment, eh ben, tous les jours, je vous donne un petit quelque chose de moi. Pas pleine chez mon voisin, c'est la folie qui salit le pétrole. Tu marches au fioul à l'ordinaire, au kérosène ou au super, de toute façon c'est toujours du pétrole. C'est la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine, ne cherche pas, c'est toujours du pétrole. C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir, mais ça fait des pétrodollars. Y'a pas que des bidons dans le pétrole. Paraît qu'il y en a qui ont des idées, je voudrais voir leur bagnole rouler. S'ils mettent autre chose dedans que du pétrole. C'était le désert, rien n'y poussait. C'était en dessous que tout se passait. Le vrai trésor était là, le pétrole. Dire qu'il a changé l'eau en vin pour le vin, y avait du raisin, elle aurait mieux fait de changer l'eau en pétrole. Qu'il soit à voile ou à vapeur, t'auras pas de tigre dans ton moteur si t'as pas de pognon pour le pétrole. Oui, je voudrais bien voir la tête qu'on ferait s'il nous coupait le robinet, on se les gênerait sans le pétrole. L'autre plus cher que le pétrole. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. On revient à l'album de la semaine qui est Rêve et Amour, sorti le 21 octobre 1968. Et en octobre, donc, sortent coup sur coup le single Cours plus vite Charlie et le 33 tours Rêve et Amour. Le 45 tours simple rencontre immédiatement un bon accueil. Numéro 1 à Saluer les copains en novembre. Sorti au prix de détail conseillé, selon la formule de l'époque, à 22,90 francs, l'album séduit le public des petites teenagers sans un rond de 1962, enfin devenus lycéens et dotés d'argent de poche. Trois versions circulent dans les boutiques, elles disent les difficultés qu'a eu la maison de disques à faire presser ce disque compliqué qui est mis en chantier au moment même où la vie économique est en suspens. Il en existe une version anglaise, une française et une dernière avec pochette fabriquée différemment, sans rabat à l'arrière. C'est l'imprimerie Jean Colombet, partenaire historique de la maison de disques, qui emporte le marché et usine le produit sur ses presses du 15e arrondissement de Paris. L'extrait qu'on va écouter, ce sera le titre « En rêve », qui est une des plages les plus produites de la jeune carrière de Johnny, avec ses arrangements circulaires qui obligent un orchestre symphonique à se prendre pour la guitare d'Hendrix. En rêve fantastique, j'étais le premier à voir la sur mon grand voilier. Yeah, mes voiles ont réussi. quelques planches, j'ai fait le premier. Deux grandes ailes blanches à bien décoller. Dandy, extrait l'album Jamais Seul, datant de 2011. À présent, on va revenir à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. C'est une chanson française qui a été donnée d'abord à Johnny, puis après que l'auteur a repris la chanson pour son spectacle Fred Blondin, qui fêtait ses 30 ans de carrière, occasion de Paris, le 14 avril 2018, a repris deux titres de Johnny. Le premier, c'était On s'est aimé, et voici le second, qui est Dis-le-moi, sur l'antenne de RIG. Faire une histoire, je t'en prie, réponds-moi. Stéphane Blandin au Casino de Paris. C'est sorti en début décembre 2020 et c'est uniquement disponible sur les plateformes de téléchargement. Johnny en live. Nous sommes à présent à Los Angeles en 2015. C'était Johnny Hallyday répété pour sa série de concerts du Restez Vivant Tour. Et c'est une teaser session. Voici tout de suite Je veux te graver dans ma vie. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, dans l'émission Johnny de AZ. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autoroute, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Soudainement, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté. Je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici. Je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je vais partir, j'aime courir, mais quand tu viens, je veux rester là. Oh, je suis sincère, je veux mourir, mais tu ne veux pas croire à tout. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. C'est à présent le moment de retrouver l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine qui est Rêve et Amour. On notera au passage que la maquette de la pochette en question est assez inhabituelle. Johnny se retrouve affublé d'un manteau de contes de fées. Derrière lui, château fort, étendard, falaise, herbe verte et rochers. On ne sait pas où on habite, comme la France de ce temps-là, mais les repères sont en revanche explicites quant à la volonté de l'idole d'avouer ses références. On se perd un peu dans la trentaine de portraits insérés dans le graphisme, mais on reçoit 5 sur 5 les visages des Kennedy, d'Otis Redding, de Bill Haley, de Gene Vincent, de Mickey Mouse, de Blanche-Neige, de Laurel Hardy, d'Elvis et de George Harrison. La pochette foisonnante, véritable jeu de pistes proposant des prétendues ouvertures sur d'autres mondes, est une figure imposée de la culture psychédélique. Rêve et Amour est signé Paul Whitehead. Cet artiste anglais, féru de musique pop, suit les enseignements d'une école d'art à Londres et propose rapidement ses services aux maisons de disques. La réalisation complètement explosée de Whitehead cohabite plutôt mal avec le titre « Cours plus vite Charlie », qui n'a rien à faire sur ce disque, et c'est pour ça qu'il est le bienvenu. Mais, ainsi, en va-t-il de Rêve et Amour, œuvre folle qui n'a aucune direction, ce qui tombe bien puisqu'elle ne veut surtout pas en avoir. Je vous propose d'écouter un autre extrait de l'album de la semaine, qui est Dans ma vie, une autre composition de Jean Renard sur un texte de Georges Haber. Le chanteur est jeune, mais il a déjà tellement vécu, le titre séduit les fans qui partagent l'amertume de leur idole. «

oui, faire de toi une cathédrale, porter la croix au clocher pour y mourir crucifié. Je n'en suis plus capable. Oh, je n'en suis plus capable. Te jurer sous un gibet, de cracher sur ma revanche et briser la canne blanche de l'aveugle que j'étais. Accrocher ma peau de diable à un clou de ton grenier et te dire que j'ai changé pour toi. Je n'en suis plus capable, extrait de l'album La peur datant de 1982. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. C'est tout de suite le pendant général du film. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, when he said you love me too, I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. Kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. I'd be traveling night and day. I'd still run all the way, baby, trying to get to you. There's was nothing that could hold me or keep me away from you. When your loving letters told me that you really loved me too. Lord above me knows my way was dark at night, he would shine his brightest light, but I was trying to get to you. Johnny et les années 60. C'est la version originale, ça. Quand je réécoute, je me dis, qu'est-ce que je chantais mal? Comment ça a pu marcher? J'ai appris à chanter depuis. Là, ça doit faire, je pense, ma 181e ou 182e tournée. On finit par apprendre à la chanter sur ce album. You're gonna stop by doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on an open road, nothing got to run my V8 Ford. Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side by side. Maybelline, where can't you be true? Oh Maybelline, where can't you be true? You're gonna stop by doing the things you used to do. Cadillac full of the 104. My front got a hot and wouldn't do no more. Dawn got cloudy and start to rain. I took my horn for the passing lane. Rain water blowing all under my hood, and I knew that was doing my mother good. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You're gonna stop by doing the things you used to do. When I heard that highway sound, Cadillac sitting like a dollar plate, 110 a half a mile ahead. Cadillac looked like he's sitting still, and I called Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You're gonna start by doing the things you used to do. Maybelline. Johnny Sings America Working Hits de 1962 et le titre est Maybelline. À présent, on va parler une dernière fois de l'album de la semaine qui est sorti le 21 octobre 1968. Mais ça, vous le savez à présent. Mais le disque, donc ce disque, quand on l'écoute, c'est un voyage incroyable au pays du son. Rêve et amour s'accomplit donc dans les brumes des sentiments délicats et des mélodies à la substance fragile. Un peu perdu de vue, l'album apparaît aujourd'hui comme un moment d'une vraie intensité. En rêve, fumée, dans ma vie, entre mes mains, j'ai peur, je t'aime, réécouté 40 ans après leur parution, ressemble à ces portraits sépia d'une époque heureuse dont la redécouverte rend doucement euphorique. Dernier extrait que je vous propose d'écouter, c'est Je suis l'amour, l'amour incarné par l'idole, le rôle lui va comme un gant, et c'est avec une certaine malice qu'il interprète ce titre langoureux, soutenu par une guitare hendrixienne. Fille qui parle d'amour, qui n'ose pas le faire en plein jour. Mais la nuit, je viens du ciel, je suis ton ami. Si tu le veux, on peut t'essayer. Tu vois, moi j'aime l'amour, la nuit, les jours. Je suis à celle qui aime un garçon qui n'a jamais su me dire non malgré ça, et que je vois en secret la nuit et sans regret m'ouvrir à son lit. Tu vois, moi j'aime les filles qui mordent la vie et qui profitent de leur plus beau jour pour aimer avant de voir leur corps se faner. Je serai là, elles peuvent m'appeler. Tu vois, moi j'aime l'amour, la nuit, le jour. un truc, je veux dire. Au revoir, bab, loubab, la bim boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 90. C'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à Bercy une nouvelle fois et aussi pour la dernière chanson de ce spécial numéro Johnny et l'album Rêve et Amour. Voici tout de suite Essayez. C'était le 20 décembre 2003 à Bercy. Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront, faut essayer de vous aimer. À votre tour, oui, de réussir tout ce que nous avons gâché, avons raté. Essayez. oui, doivent être fiers. Notre univers, ils l'ont gâché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, il faut essayer et de vous aimer. Si malgré tout, bien avant vous, tout s'arrêtait, faut essayer. La vérité, la liberté, oui, l'amour et la paix, faut essayer. Essayez, essayez, essayez, essayez, Ainsi achève cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Rêve et Amour. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé à cette émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Johnny. Mais le thème, je ne sais pas encore. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit et on se retrouve très très vite. À bientôt toutes et à tous. Ciao, ciao.